Le temps de l'amour, on espère que cela dure toujours. Même si des fois, on fait de mauvais choix. On les aime comme on ne les a jamais aimés. Personne ne pourra le changer. Regardez autour de vous si c'est beau, mais pas plus beau qu'un amour d'un beau jour. Regardez la bien dans les yeux et dites-lui qu'elle est belle à en mourir. Lorsque tous les chemins se croisent, que ce n'est qu'une passe. Mais à notre âge, l'amour fait rage et nos cœurs s'enflamment dans l'âge. Regardez autour de vous si c'est beau.